psychosociale, un organisme communautaire centré sur les besoins psychosociaux des personnes, couples et familles. Pour vous aider à surmonter des difficultés d'adaptation ou des problèmes d'ordre personnel et relationnel, pour éviter une situation de crise, à l'alternative soutien psychosocial, vous trouverez un service professionnel de consultation individuelle, conjugale et familiale et un groupe d'entraide pour les personnes endeuillées. Contactez-nous au 418-681-0141 ou visitez notre page Facebook. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Installez-vous confortablement, on a deux bonnes heures de prog à vous proposer et on donne le coup d'envoi avec une formation allemande, Sen Project, le projet du multi-instrumentiste Chris Engels, et c'est l'album The Story of Anja, le 11e album studio pour Sen Project, et c'est le second pour cette année. Je ne sais pas si M. Engels va renouveler l'exploit de 2023, alors qu'il avait présenté 4 albums durant cette année. Et puis, parlant d'un musicien productif, on va avoir aussi Brandon Perkins, un extrait de son album Favorite Places, et le multi-instrumentiste britannique a une feuille de route, ma foi, assez impressionnante, et on va écouter l'extrait Skylarks. Et puis Marc, par la suite, on retourne en Allemagne. Oui, en effet, on aura un extrait du nouvel album de la formation Argos, qui a pour titre Halfway Between Heaven and Mirth, qui vient tout juste de paraître. C'est leur 7e album en carrière. La formation a débuté en 2005. Et sur ce nouvel album, il y a quelques invités spéciaux, dont Andy Tillison de The Tangent au clavier, Marek Arnold au saxophone et Alexei Tolpigo au violon. On aura pour vous ce soir la pièce Make Me Smile, et ce sera suivi de la formation italienne Entity, qui viennent de faire un retour sur disque après plus de 10 ans d'absence. C'est une formation de la Sardaigne. Leur premier album était paru en 2013 et les 5 musiciens sont de retour pour ce nouvel album qui a pour titre Il naufragio della speranza. On aura pour vous ce soir la pièce Derealizzazione et pour débuter ce bloc musical, comme vous le disait Michel, la nouveauté de Sen Project. We'll be right back. table, planning ways to fill the songbooks. Ways of the old grand theorist, telling stories of living towns. And I love the street lights. Hypnotize the moon with riddles. I follow in the mist. And when the night is over, I'll take the blame. keep on learning. There are hearts instead of diamonds. Keep above the dark. Hear our songs to tell our tale. Smile. prendo le mie distanze. Probabilmente mi portano via senza troppe attenzioni. È un taglio brutale. Ho l'arte di capire il momento preciso. L'été s'écrit en musique, la poésie s'écoute en jazz. CKRL 89.1. Le clap, présentement à l'affiche. En primeur, le Favolos, A Quiet Place Day One. Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. Marilyn et son juge. Détestable moi 4. Horizon, une saga américaine, chapitre 1. Je suis Céline Dion. Kinds of Kindness, le royaume de la planète des singes. Se fondre. Et Un coin tranquille jour 1. Le clap pour les amoureux du cinéma. Clap.ca. Les métiers du cinéma et de la vidéo vous passionnent? Vous auriez envie de faire carrière dans le 7e art? Inscrivez-vous dans la seule école publique au Québec offrant 3 programmes complets en documentaire, web et montage. L'École des métiers du cinéma et de la vidéo du Cégep de Rivière-du-Loup. N'attendez pas et consultez notre site web à emcv.ca. La période d'inscription pour le programme d'AEC en conception et réalisation de films web débutant en janvier 2025 est présentement en cours. Faites vite! L'École des métiers du cinéma et de la vidéo. Vous adorez le sport? Vous êtes un fan inconditionnel de vos équipes préférées? Eh bien, ne cherchez plus! Logo Sport est la référence à Québec. Logo Sport, la seule boutique dédiée à 100% aux produits officiels de vos équipes sportives favorites. Que ce soit la LNH, la NFL, la MLB, la NBA, peu importe, nous l'avons. Mentionnez CKRL lors de votre visite pour obtenir une réduction exclusive de 15% sur tous nos produits à prix réguliers. Logo Sport, la référence à Québec pour les vrais fans de sport. 1028 rue Saint-Jean. Logosportqc.com. Ici Jacques Dulac. Dorénavant, je serai à la barre de l'émission Rue d'Auteuil, votre rendez-vous de musique blues à Québec. Au programme, le blues du Delta du Mississippi à celui de Chicago, en passant par les nouveautés, des spéciaux sur les albums marquants, bien sûr les classiques, des découvertes et parfois même des entrevues. Je vous invite tous les vendredis soirs, dès 20h, pour votre dose hebdomadaire de blues. Soyez-y! CKRL 89.1 vous comble de plaisir avec une offre exceptionnelle. Obtenez un T-shirt, un polo, une casquette, une tuque ou une bouteille en acier à seulement 20$ par article ou 50$ pour un lot de 3. Affichez votre amour pour votre station de radio préférée. En vente à la station, située au 405 3e Avenue, à Limoilou. De retour à Terra Incognita avec Marc Chonet et Michel Bilodeau. Pour cette prochaine demi-heure, on va avoir, dans un premier temps, Ritual. On vous a présenté un extrait de ce nouvel album la semaine dernière. L'album a pour titre The Story of Mr. Bugged, Part 1. Pour cette formation suédoise, c'est un retour sur disque après 17 années d'absence. Ce soir, on vous présente la pièce de Feline Companion. Et puis, toujours de Suède, Asfrobug and Musical Companion, un extrait du 6e album de la formation. Le titre de l'album, Eternal Snapshot, et ce sera la pièce Wherever You May Go. Et puis Marc, par la suite, on s'éloigne pas trop de la Suède. Oui, en effet, on aura la formation norvégienne Troika, qui feront paraître le 16 août prochain leur nouvel album Strobemork. Alors, on aura pour vous une nouvelle pièce de cet album ce soir, et ce sera suivi d'une formation de Portland, Oregon, qui a pour nom Another Neighbor Disappeared. Et on aura pour vous un extrait de leur nouvel album How to Stay Conscious While Drowning, qui est paru le 28 juin. C'est leur troisième. Et pour vous ce soir, on aura la pièce « Not a Dead World ». Et comme vous le disait Michel, on débute avec une nouvelle pièce de la formation « Ritual ». Stood astonished as tears of a weather cheeks. And she said, take this copper cat bell. And if you get lost or all roads seem so bleak, just ring it three times, and the cat will hear its call. She'll come to your Hello, this is Hasse Fröberg, and you're listening to Terra Incognita directly from Quebec City. You saw the light of day in springtime. Wonderful childhood, so sublime. Two loving parents who adored you. You were one of the chosen few. Smile can brighten up every day. To reconcile, you have a winning way. Oh yeah. Wherever you may go, the world peace. Unless you're young, I'll be mine. CKRL 89.1. Qu'est-ce qui se passe à Télé-Québec? Maintenant, là, il y aura du pep. Du pep? Du pep? Qu'est-ce que tu veux dire, du pep? Nous autres, on est pépé, les autres sont pas pépé! Cet été, Télé-Québec vous surprendra avec ses films québécois qui ont du pep. Qu'est-ce que tu veux dire par là, toi? Hein? Pas de panique, on se calme. Ah, c'est été, je relaxe. Ouais, je relaxe. Oui, relaxez avec nos films québécois tous les dimanches 21h30 parce que... Nous autres, on est pépé, les autres sont pas pépé! Vivez l'expérience Télé-Québec. CKRL 89.1 vous comble de plaisir avec une offre exceptionnelle. Obtenez un T-shirt, un polo, une casquette, une tuque ou une bouteille en acier à seulement 20$ par article ou 50$ pour un lot de 3. Affichez votre amour pour votre station de radio préférée. En vente à la station, située au 405 3e Avenue, à Limoilou. Les métiers du cinéma et de la vidéo vous passionnent? Vous auriez envie de faire carrière dans le 7e art? Inscrivez-vous dans la seule école publique au Québec offrant 3 programmes complets en documentaire, web et montage. L'École des métiers du cinéma et de la vidéo du Cégep de Rivière-du-Loup. N'attendez pas et consultez notre site web à emcv.ca. La période d'inscription pour le programme d'AEC en conception et réalisation de films web débutant en janvier 2025 est présentement en cours. Faites vite! L'École des métiers du cinéma et de la vidéo. Tous les samedis à 15h, le voyage se poursuit sur CKRL avec simplement Rosine et Moïse Premier. Ensemble, nous partons du côté de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Asie, mais aussi aux Antilles. Mesdames et messieurs, suivez-nous et ensemble, bâtissons des pommes. La Maison de la famille Louis-Hébert devient l'alternative. Soutien psychosocial. Un organisme communautaire centré sur les besoins psychosociaux des personnes, couples et familles. Pour vous aider à surmonter des difficultés d'adaptation ou des problèmes d'ordre personnel et relationnel, pour éviter une situation de crise, à l'alternative, soutien psychosocial, vous trouverez un service professionnel de consultation individuelle, conjugale et familiale et un groupe d'entraide pour les personnes endeuillées. Contactez-nous au 418-681-0141 ou visitez notre page Facebook. De retour à l'émission Terra Incognita. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation norvégienne, le supergroupe The Chronicles of Father Robin, tiré de leur plus récent album The Song and Tales of Aeroa Book 3, avec la pièce Empress of the Sun. On aura également la formation italienne Favera Vola, composée de musiciens qui ont débuté dans les années 70, qui se sont rassemblés une trentaine d'années plus tard et ont fait paraître leur premier album Contea dei Cento Castagni en 2006. Ils sont de retour cette année avec un second album qui a pour titre Castrum Zumelarum, un album qui est paru en janvier. Et on aura pour vous ce soir la pièce Il Rapimento. On aura également une formation de la Finlande qui ont fait un beau retour cette année. Il s'agit de Vima, qui avait fait paraître en 2006 un premier album. Un second est paru en 2009. Et ce nouvel album paru cette année, je me risquerai peut-être pas pour vous prononcer le titre puisque c'est en finlandais. Alors, on vous invite à consulter notre page Facebook pour avoir le contenu des émissions ou notre page web www.terraincognita.québec dans la section radio. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, une légendaire formation de l'Italie. En effet, mais même je pense que le mot légendaire n'est pas assez fort, c'est un des groupes piliers du prog italien des années 70 et c'est Liorme. On a un extrait du plus récent album du groupe et vu que c'est pas en finlandais, mais Marc, je vais me risquer, l'album a pour titre Il Leone e la Bandiera et on va voir la pièce Ouverture et Acqua di Luna. Thank you. Sirkuksen suuri kiertue, kentälle teltat kohoaa, leijona jossain karjahtaa. Jonglöörin pallot radallaan, taikurin leili sahataan. Laksosten silmät kirkkaina, loistavat teltan soihtuina. Ja kaiuttimet säristää, ylhäällä varjo häivähtää, kaikkien katseet käännähtää. Nuoralla tyttö havahtuu, tyhjyyden valtaan antautuu, unohtaa kahlet pelkojen, tavoittaa hetken ikuisen. Tanssien taivaan trapetsilla, askel varmoin nuoralla, paussa illan orkesterin, kuikkeessa teltan valojen. Tanssien taivaan trapetsilla, askelin varmoin nuoralla, paussa illan. illan orkesterin puikessa valojen. Valtaan antautuu, unohtaa kahlet pelkojen, tavoittaa hetken ikuisen. On hän kuin siellä lentäisi, tähtiä kohti kiitäisi. Maalliset murheet taristaa, avaruus kutsuu tanssiaan. Tanssien taivaan trapetsilla, askelin varmoin nuoralla. Illan orkesterin tuikkeessa teltan maalojen. Tanssien taivaan trapetsilla, askelin varmoin nuoralla. Paussa illan orkesterin tuikkeessa valojen. Dentro me salire fino agli occhi e vedo che sono chiuso dentro a questa vita. Che qualcuno ha scelto già per me, ma lei son certo crederà che non mi arrenderò, combatterò il destino e mi avrà. Se il suo sorriso splenderà, il sole mio riavrò, questo destino chiede. lo mi perdona. Recuerda el amor que verá. Ma lei, quel vecchio no, non amerà. Finché il cuore mio per lei vivrà. Padre che negò a quel fiore di lilla, da malamore che amava già. CKRL 89.1. Votre oasis musicale pour un été torride. Le clap, présentement à l'affiche. En primeur, le Favolose, A Quiet Place Day One. Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. Marilyn et son juge, Détestable moi 4, Horizon, une saga américaine, chapitre 1. Je suis Céline Dion. Kinds of Kindness, le royaume de la planète des singes, Se fondre et Un coin tranquille jour 1. Le clap pour les amoureux du cinéma. clap.ca. Les métiers du cinéma et de la vidéo vous passionnent? Vous auriez envie de faire carrière dans le 7e art? Inscrivez-vous dans la seule école publique au Québec offrant 3 programmes complets en documentaire, web et montage. L'École des métiers du cinéma et de la vidéo du Cégep de Rivière-du-Loup. N'attendez pas et consultez notre site web à emcv.ca. La période d'inscription pour le programme d'AEC en conception et réalisation de films web débutant en janvier 2025 est présentement en cours. Faites vite! L'École des métiers du cinéma et de la vidéo. On jase ton père pis moi, pis on croit que c'est le temps que j'aille te parler. Tes amis, c'est des gens à fréquenter. Quand ils ont des cheveux longs, ils ont des anneaux dans le nez. On croit juste qu'ils ont une bonne influence sur toi. Tu sors devant le monde avec des gilets troués. T'écoutes plus tes records de la famille Simard. Tu t'achètes plein de disques avec des noms de morts. Pis ta musique du diable, tu l'écoutes pas assez fort. L'autre jour, on t'a pogné à l'écouter. Le vendredi, 22 heures passées. Puis surtout, c'est que les voisins doivent aussi l'écouter. C'est vraiment décadent. Pour le meilleur du métal à Québec, vendredi soir, 22 heures, c'est démentiellement vôtre à CKRL 89.1. Qu'est-ce qui se passe à Télé-Québec? Maintenant, là, il y a vraiment du pep. Du pep? Nous autres, on est pépé, les autres sont pas pépé! Cet été, Télé-Québec vous surprendra avec ses films québécois qui ont du pep. Je sais, tu veux dire par là, toi? Hein? Pas de panique, on se calme. Ah, c'est tout. Je relaxe. Ouais, je relaxe. Oui, relaxez avec nos films québécois tous les dimanches 21h30 parce que... Nous autres, on est pépé, les autres sont pas pépé! Vivez l'expérience Télé-Québec. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation américaine de Psychedelic Ensemble. Et ce sera un extrait de leur album The Tale of the Golden King, qui est paru en 2013 et qui est le 4e album pour cette formation, qui en ont 6 au total. Leur plus récent album, Mother's Rhymes, était paru en 2019. Et pour vous, ce soir, on aura la pièce de Queen of Sorrow. Mais pour débuter le bloc musical, Michel, une formation française. Oui, et je ne sais pas trop si je peux dire que c'est la défunte formation française Nemo, car semble-t-il le groupe est en sommeil prolongé. Eh bien, ce soir, on vous propose un extrait du 6e album studio du groupe, c'est-à-dire Barbare, et c'est la pièce LDI qu'on écoute à l'instant. Thank you. within the light my hope above. But in the night I hear the truth is out. In a song that sorrow plays, singing all love fades away in time inside me. Our love wants to reign, passion's throne we did claim. Now I'm just the queen of sorrow. Time has come for me to face what's true. Our time is gone and all that's left of you is the dream you shall return. But the flame of hope no longer burns inside me. Our love wants to reign, passion strong. We'll be right back. Is the dream you shall return, but the flame of hope no longer burns inside me. Our love once did reign, passions thrilled, we did fame. Now I'm just the queen of souls, the queen of souls. Pour conclure l'émission de ce soir, on a choisi une formation mexicaine, CAST, une formation que on pourrait qualifier de très prolifique. On va avoir un extrait du 15e album studio du groupe. L'album a pour titre Originalis et s'est paru en 2008. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Revenez-nous la semaine prochaine pour un bon 2 heures de rock progressif. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants. Thank you.